Raymonde par André Theuriet. Chapitre 1er. La forêt a pour ses familiers de secrets jouissances qu'ignorera toujours un Parisien, dont les promenades coutumières sont bornées par l'Arc de Triomphe et les Tuileries. L'un de ces plaisirs passionnants, mais dont les initiés seuls peuvent déguster l'agreste saveur, c'est la chasse aux champignons. Par une belle fin d'été, quand l'ondée de la nuit a légèrement mouillé la terre, partir pour les bois fumants de rosée, s'enfoncer sous la futaie que traverse obliquement la vermeille illumination du matin, là, dans un silence profond, à peine troublé par un gazouillis de mésanges ou un grignotement d'écureuil, guetter avec le flair d'un chien truffier et le religieux respect d'un gourmand les nombreuses variétés de bolets et d'agarics éclos pendant une nuit d'août, y a-t-il beaucoup de plaisir plus innocent et aussi vif? On y trouve tout ce qui fait le suc et le piquant des joies humaines, les émotions de la chasse, le charme de la possession, les délicates surprises de l'inattendu, l'espoir longuement choyé d'un plat affriolant pour le repas du soir. C'est à quoi pensait le vieux professeur Noël Heurtebant, un matin de juillet, en parcourant les bois qui séparent le Val d'Aubrive de la gorge de Vivet. Un panier passé au bras, et sa chienne lui frottant les jarrets de son fin museau de renard, il flânait allègrement à travers les terrains mamelonnés de la futaie des fosses. Le commencement de l'été avait été pluvieux, et sous l'influence d'une humidité chauffée par de rapides pluies d'orage, tout le peuple des cryptogames s'était développé prématurément. Les boules de neige à dessous roses foisonnaient dans les clairières, les girolles étincelaient dans la mousse comme des louis neufs, et les cèpes ventrus arrondissaient parmi les bruyères leur dos brun à demi rongé. Monsieur Noël, son eustache à la main, reniflait bruyamment l'air matinal, fouillait les herbes, s'agenouillait, se relevait avec la vivacité nerveuse d'un chat maigre. De temps à autre, comme pour s'exciter davantage, il apostrophait sa chienne. « Eh oui ! Cette coulmelle qui ouvre son parasol dans les mille pertuis, tu ne l'avais pas vue, toi, vagabonde ? Tu es bien de ton sexe, beaucoup de bruit et peu de besogne. Eh bien, quand tu me regarderas avec tes yeux mourants, ce que j'ai dit est dit. Tes mines à langourer n'y changeront rien, embobineuse. » Monsieur Noël frisait la soixantaine. Petit, chétif, son corps disparaissait presque sous une longue redingote dont le soleil et la pluie avaient fait passer le drap par toute la gamme des verts, depuis le vert épinard jusqu'au vert canari. Sa barbe grisonnante poussait en broussailles, et ses cheveux déjà blancs tombaient en désordre sur ses épaules inégales. Son nez aux narines largement ouvertes, sa bouche trop grande et ses mâchoires saillantes donnaient au premier abord à son visage inculte un accent de vulgarité. Mais un front haut, des yeux bruns au regard profond, triste, presque amer, corrigeait l'aspect déplaisant du bas de la figure, et disait l'homme qui a beaucoup pensé, beaucoup souffert. Vagabonde, sa chienne, avait comme lui la tournure commune, mais elle rachetait ce défaut de distinction par une expression des plus originales. Elle tenait à la fois du loup et du renard, et sa mère, dans ses courses à travers bois, avait dû certainement entretenir de criminelles conversations avec quelques fauves d'humeur galante. Sa robe jaune à reflets noirs, sa queue ronde, touffue, étalée en panache, surtout sa tête fine, allongée, futée, avec un petit bout de nez gris et deux yeux noirs luisants, malicieux, trahissait son origine sauvageonne. Après avoir essuyé la réprimande de son maître, la chienne s'éloigna d'un air humilié, la queue basse et les oreilles couchées. « Ah, tu boudes !» murmura le bonhomme en haussant les épaules. « À ton aise ! Avec les personnes de ton sexe, il ne faut pas s'inquiéter de ces minauderies-là. » Il reprit silencieusement sa quête aux champignons à travers la bruyère. Cependant, le soleil devenait plus ardent, et le panier, plein à ras-bord, commençait à peser. Au bout d'une demi-heure, M. Noël s'essuya le front et chercha des yeux un endroit propice à la sieste. À une centaine de pas, vers la pente qui descend à Vivet, le glouglou d'une source se faisait entendre. Le vieux professeur se dirigea vers le bouquet de hêtres, au pied duquel l'eau s'était creusée un réservoir. Les racines moussues formaient un siège moelleux à souhait, et M. Noël s'y étendit, le front appuyé sur son coude. « Eh ! » soupira-t-il en étirant ses jarrets un peu roides. « Je n'ai plus mes jambes de 20 ans. » Et peu à peu, soit fatigue, soit tristesse, son visage s'allongea et prit une expression chagrine. La tête penchée du bonhomme se réfléchissait dans l'eau assombrie par un fond de cresson. Ses regards, mélancoliquement fixés sur le miroir de la source, devenaient de plus en plus rêveurs. Par un singulier effet d'optique ou d'imagination, le reflet qu'il voyait se bercer dans l'eau se transformait et se rajeunissait. Au lieu de son visage de sexagénaire aux traits fatigués, aux poils grisonnants, il distingua peu à peu, au fond du réservoir encadré de menthe, une figure imberbe, aux yeux ardents et aux cheveux bruns. Sa propre figure, lorsqu'il avait 30 ans de moins, et insensiblement, à travers sa songerie somnolente, les souvenirs du temps d'autrefois vinrent se peindre dans l'auberte. Il se retrouva à sa sortie de l'école normale, dans un restaurant du Palais Royal, où ses camarades de promotion fêtaient leur ancien cacique. Reçu le premier à l'agrégation, et ce cacique triomphant, c'était lui, Noël. Il revit le salon à moulures dorées, orné de hautes glaces, où se reflétaient à perte de vue des fils de becs de gaz. Il entendit le tintement des verres qu'on choquait et les toasts enthousiastes auxquels il répondait d'une voix émue. Que de projets ambitieux, que de rêves de gloire montaient alors, comme le champagne, en bulles d'or, dans sa tête échauffée. Il était jeune, bien portant, et il avait l'espoir tenace. Il se trouvait à cet été de la vie où les fruits de l'illusion pendent encore aux branches de l'arbre enchanté. Le soleil est en train de les mûrir, et il semble que pour les cueillir, on n'ait plus qu'à allonger la main. À ce moment, la chienne, lasse de bouder, vint se poster devant son maître. Assise sur ses pattes de derrière, le museau relevé, la queue frétillante et l'œil interrogateur, elle avait l'air de lui dire « À quoi bon repenser à tout cela ?» Mais il ne prenait pas garde à elle et s'enfonçait toujours plus avant dans ses songeries. Alors, elle hasarda un grognement expressif, puis, levant une patte, gratta brusquement le genou du rêveur. M. Noël ne tourna même pas la tête. Impatientée, elle se mit à happer une série de mouches imaginaires, avec des claquements de mâchoire et des contorsions comiques. À la fin, dépitée d'avoir prodigué en pure perte ses meilleurs jeux de scène, elle se laissa tomber à terre lourdement, d'un air profondément découragé, en poussant un ronflement mélancolique. Aux entours, la forêt en plein réveil berçait la méditation de M. Noël avec ses longs murmures confus et harmonieux. Des milliers d'insectes bourdonnaient dans les ronces, les pivers martelaient du bec l'écorce des hêtres, et les geais se chamaillaient dans les ramures. Tout à coup, du fond d'un village enfoui dans un creux de vallée, un tintement de cloche argentine s'égrena sous la futaie. C'était une volée tapageuse et gaie comme on en sonne aux messes de mariage. M. Noël prêta l'oreille, secoua ses longs cheveux blanchis, et de ses larges narines s'échappa un soupir sifflant et plaintif. Vous est-il arrivé de retrouver la clé perdue d'un antique meuble fermé depuis des années, et de faire jouer lentement le pêne de la serrure rouillée? Le tiroir ouvert avec effort révèle soudain ses cachettes pleines de vieilles choses, encore rangées dans l'ordre où on les avait laissées il y a un demi-siècle. C'est comme une résurrection. Les lettres jaunies, le livre aux pages piquées, les rubans en nuances passées, le flacon encore imprégné d'un parfum démodé, toutes ces vieilleries sont autant de revenus doux et tristes d'un monde disparu. Hélas, chacun de nous porte dans un recoin de son cœur un de ces tiroirs secrets, plein de reliques aux parfums amers. Personne n'en soupçonne l'existence. La cachette reste oubliée pendant des années, jusqu'à ce qu'un hasard fasse retrouver la clé qui ouvre la serrure rétive. La musique lointaine des cloches avait été pour M. Noël le magique « Sésame, ouvre-toi », poussant le ressort d'une porte mystérieuse et longtemps close. Était-ce le courant de la source qui s'était troublé ou un brouillard qui avait passé sur les yeux du bonhomme? Il ne voyait plus dans le réservoir que du sable et de la boue, et il songeait avec dégoût aux monotones saisons qui avaient suivi ses premières années d'illusion. Maintenant, La perspective que le vieux professeur apercevait dans le lit de la source était d'une tristesse navrante. Une maisonnette isolée et morne au coin d'un bois, une fin de vie solitaire et maussade entre un chien fantasque et des livres moisis. Il en était là de sa chagrine et misanthropique méditation quand la chienne lança un aboiement sonore et soudain bondit sur les arbres en se tortillant d'une si merveilleuse façon que sa queue rejoignait presque sa tête. « Là, là !» cria une voix dont les intonations traînantes trahissaient l'accent langrois. « Oui, tu es une bonne fille, tu as plus d'esprit que personne. »« Hop, monsieur Noël, dormez-vous ou ne connaissez-vous plus vos vieux amis ?» Le bonhomme tressaillit et, relevant la tête, aperçut devant lui le garde général d'Aubrive, suivi de son brigadier. Le garde général, grand, maigre, les moustaches et les cheveux coupés en brosse, la figure tannée, avec une longue balafre sur la joue gauche, avait sous son vieil uniforme vert la tournure rigide d'un ancien soldat. Le brigadier, en blouse, le fusil en bandoulière, se tenait respectueusement à distance de son supérieur. « Pardon, Berdier, murmura M. Noël, je m'étais assoupi. Je faisais même un assez vilain rêve. Eh bien, pour vous réveiller, je vais vous apprendre une bonne nouvelle. Nous avons reçu une longue lettre de votre ancien écolier. » La figure du vieux professeur s'éclaircit. « Antoine va bien ? » demanda-t-il avec vivacité. « Notre Antoine fait des merveilles !» répliqua le forestier d'un ton où perçait une pointe d'orgueilleuse satisfaction. « Accompagnez-moi jusqu'à la belle étoile, où je dois marquer des chablis abattus par le dernier orage, et je vous conterai tout par le menu. » Le bonhomme reprit silencieusement son panier et suivit le garde général. « Je vous disais donc, continua celui-ci, que notre Antoine nous mande une bonne nouvelle. Il a passé son concours d'agrégation et on l'a nommé, devinez, professeur de physique végétale au muséum. « Vous voyez que j'avais raison de le pousser vers les sciences, » dit M. Noël. « Pour ça, oui. Moi, j'ai regardé à deux fois, parce que nous ne sommes pas riches, dames. Les sciences étaient bel et bien chanceux, tandis qu'une fois à l'école forestière, Antoine était sûr de gagner son pain. Oui, son pain sec, 1800 francs par an. Je sais bien. Mais notre ménagère Sorette n'est pas ambitieuse, et Paris lui faisait peur. « On va me le perdre là-bas, » gênait-elle du matin au soir. « Croyez-vous que maintenant encore elle me réveille en sursaut dans les nuits d'hiver ?»« Ah » soupire-t-elle, « comme il neige, et pensez que le petit erre peut-être à 7 heures dans les rues de Paris. » Elle le voit écrasé par une voiture, assassiné au coin d'une rue, que sais-je. « Tenez, les mères de fils uniques, c'est terrible. On ne s'imagine pas toutes les idées qui vont se loger dans leur cervelle. » « Si vous arrêtez à des sensibleries de femmes, vous n'êtes pas au bout, » grogna M. Noël. « Bon, je ne fais que rire. D'ailleurs, Sorette, convient-elle même que vous avez eu raison. Elle est assez fière de son fils, allez. Et elle vous en défile des chapelets, en reconnaissant du dévouement que vous avez eu pour Antoine. « Ne parlons pas de ça, » grommela le bonhomme. « Et de quoi voulez-vous que nous parlions ? Ne lui avez-vous pas donné votre temps et même votre argent ? Bref, Sorette et moi, nous ne dirons jamais assez toute la reconnaissance que nous vous devons. » M. Noël frappa violemment du pied. « Vous ne me devez rien, » s'écria-t-il avec colère. « Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ma propre satisfaction. J'avais plaisir à voir les belles facultés de votre garçon, comme vous en auriez à voir pousser un bel arbre. Je le soignais, je l'entourais de bonnes terres. Ça me réchauffait le sang. Je trouvais les journées moins longues. C'était de l'égoïsme, voilà tout. Mais vous ne me devez rien, entendez-vous ? Rien, n'en parlons plus. » « Je n'en parlerai plus si cela vous contrarie, » répondit le forestier, ébahi de l'humeur rageuse du bonhomme. « Je me contenterai donc d'y penser. Mais chut, écoutez donc. » Du fond de la combe voisine, un bruit sec venait de monter, quelque chose comme le fracas d'une branche qu'on brise. Le garde général et le brigadier se lancèrent un coup d'œil d'intelligence. « En voilà un là-bas, » grommela M. Verdier, « qui n'attend pas l'aide du vent pour me faire des chablis. »« Ça vient de la combe aux fontaines, » murmura le brigadier. « Nous allons bien voir, » reprit Verdier en mordant sa moustache. « Gagnons la combe et tâchons de prendre la pie au nid. Veillez sur Vagabonde, M. Noël, et empêchez-la de bavarder. » Le bonhomme noua son mouchoir en guise de laisse au collier de sa chienne, et lui ayant administré au préalable l'injonction de tenir sa langue, il enfila derrière les forestiers une coulée qui dévalait tout d'un jet jusqu'au fond de la combe. Le bruit des pas était amorti par la mousse qui veloutait le sol, de sorte que le coupeur de bois, tout occupé de sa besogne, n'entendit rien venir. Les trois hommes tombèrent sur lui au moment où il achevait de briser la plus haute branche d'un érable. Vagabonde, se dérobant à la surveillance de M. Noël, prit son élan avec de si frénétiques aboiements que le délinquant ahuri laissa tomber sa hachette. Ce délinquant était un pauvre petit diable de 13 ans, maigre et alerte comme un singe, avec des cheveux embroussaillés tombant sur sa figure futée et sournoise. Terrifié par la menaçante apparition des forestiers, il resta d'abord bouche bée, ouvrant de gros yeux ronds comme un chat pris en flagrant délit. « Drôle !» s'écria le garde général. « D'où sors-tu, vermine ?» ajouta rudement le brigadier qui s'était emparé de la hachette. « Tu vas me dire ton nom, et d'abord je confisque ton outil. » À la pensée de cette confiscation qui l'inquiétait plus que tout le reste, le gamin fit éclater bruyamment son désespoir. « Grâce, monsieur le garde !» hurlait-il en sanglotant. « Je ne recommencerai plus. Rendez-moi la hachette. Si je rentre sans la rapporter, je serai battu. »« Tu n'auras que ce que tu mérites, mon Gachenet, mon garçon. Où demeures-tu ?» Mais cela ne faisait pas l'affaire du Gachenet. Au lieu de répondre, il tordit désespérément ses mains dans sa blouse en lambeaux et remplit la combe de ses lamentations. « Ma hachette » s'exclamait-il. « Grâce, ma hachette !» Un bruit de branche froissée et le trot d'un cheval sur le chemin qui allait de la combe à la route de Vivet attira soudain l'attention des trois hommes. Brusquement, entre deux épées de noisetiers, apparut une jeune fille montée sur un petit cheval breton au poil bourru, à l'allure nerveuse, et qui bondissait à travers les branches avec la même fougue que s'il eût galopé dans sa lande natale. M. Noël et les forestiers, surpris de cette intrusion inattendue, se tournèrent ébahis vers l'inconnu dont la jeune et impérieuse beauté les frappa vivement. Elle était rousse, et sa luxuriante chevelure à demi dénouée par les caresses des branches avait roulé de dessous sa toque hongroise jusque sur le corsage de sa robe d'amazone, où elle flottait mêlée à des rubans bleus. Son visage, d'une blanche rosée, était éclairé par de grands yeux fauves brillant sous de longs cils. Les narines frémissantes, la bouche dédaigneuse, agitant une cravache dans sa petite main nue, elle avait profité de la stupéfaction des forestiers pour pousser son cheval entre eux et le délinquant. « Il faut que vous soyez bien lâche, » s'écria-t-elle d'une voix mordante et indignée, « de vous mettre trois pour faire pleurer cet enfant. » M. Verdier, ayant le premier retrouvé son sang-froid, ébaucha gravement le salut militaire. « Vous êtes un peu prompte à juger les choses, mademoiselle, » répondit-il. « Ce jeune drôle fabriquait des fagots avec les plus belles gaules du taillis. Où est le mal ?» repartit la jeune fille. La forêt n'est-elle pas à tout le monde? Nenni, la forêt est à l'État, et à couper du bois en forêt, c'est voler l'État. L'État ne sera pas ruiné parce que cet enfant aura cassé 3 ou 4 méchantes branches. Va-t'en, petit, et laisse-les dire. Le gamin coula un regard sournois dans la direction de sa protectrice et sanglota d'un ton piteux. Ils ont pris ma hachette. Tiens, reprit-elle en tirant rapidement une pièce d'or de son porte-monnaie, ramasse et décampe. Il ne se le fit pas répéter. En un clin d'œil, il lappa la pièce, la mit dans sa bouche et s'élança dans le fourré où il disparut. « Sacré mille tonnerres !» cria le brigadier. M. Noël ouvrait de grands yeux et dévisageait la jeune fille avec une curiosité croissante. Le garde général se mordit les lèvres. « Vous donnez là un bien mauvais exemple, » dit-il avec humeur. « Je ne comprends pas qu'une demoiselle bien élevée encourage ainsi les vagabonds à se mettre au-dessus des lois. » « Elles sont jolies, vos lois !» posa celle-ci en relevant d'un air espiègle sa chevelure flottante. Et comme le brigadier faisait mine de courir sus au délinquant, elle poussa en travers du sentier son cheval, qui commençait à s'impatienter à rejamber. La chienne, que ce manège agaçait, s'était remise à aboyer. Le cheval se cabra en reniflant bruyamment. « Vous feriez mieux de surveiller votre chien !» cria la jeune fille irritée au brigadier qui tendait la main pour saisir la bride. En même temps, elle lança à l'adresse de la chienne un coup de cravache qui rencontra les doigts du brigadier. Vagabonde, à peine effleurée, alla rouler sur le panier de M. Noël. Les champignons s'éparpillèrent dans les ronces, tandis que la malicieuse bête hurlait comme si on l'avait assommée. Le chemin était redevenu libre, le cheval partit au grand trot, et l'Amazone disparut derrière les gaulis de la combe. « On a raison de dire, mauvaise comme une rousse. La connaissez-vous, ce Dax ?» demanda le garde général au brigadier. « ce ne peut être que la demoiselle de la maison verte, répondit celui-ci en soufflant sur sa main meurtrie. La maison verte est donc habitée maintenant ? Oui, mon général. Elle a été achetée cet hiver par le fils d'un maître de forge de la Franche-Comté, un monsieur La Tremblay, qui demeure depuis 4 mois avec sa femme et sa fille. La demoiselle est un diable déchaîné, et nous venons d'avoir un échantillon de son caractère. La Tremblay, répéta M. Noël en tressaillant. Vous avez bien dit La Tremblay, ce Dax ? Le brigadier fit un signe affirmatif. Est-ce que vous le connaissez ? Le bonhomme secoua la tête. Non, répliqua-t-il sèchement. Je ne le connais point et ne me soucie pas de le connaître. Il ramassa les débris de ses champignons et sifflant sa chienne. Allons, soupira-t-il. Il est temps de retourner au chanois. Nous avons mal commencé la journée. Bonjour, messieurs.